Bonjour à tous, bienvenue dans l'amphithéâtre de l'EHESS. Moi, je m'appelle Jade Legrand et je fais partie de l'équipe des aspects concrets de la thèse qui a le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Howard Baker, que voici, pour cette séance inaugurale du séminaire version 2012-2013. C'était le cas déjà l'année dernière, nous avions ouvert le bal ensemble. Et l'expérience avait été un tel succès pour tout le monde que nous avons décidé de reconduire l'événement. Alors, aspects concrets de la thèse, ou les aspects concrets de la thèse, ou encore ACT, c'est un séminaire ou un atelier organisé par une équipe de 5 doctorants, dont Sébastien Kapp, ici, Morgane Govoreanu, qui sera derrière la caméra aujourd'hui, Tristan Loloum et Moritz Huntsman, qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais qui n'en font pas moins partie de l'équipe. Et c'est un atelier qui se destine à tous, c'est-à-dire aussi bien masterants que doctorants, que chercheurs, que curieux de tous bords et de tous horizons. En un mot, rapidement, ACT, c'est un lieu et un moment où l'on s'interroge sur un objet particulier, qui est le doctorat en sciences sociales. Alors, on va par exemple considérer la thèse de doctorat comme un objet, comme un résultat, comme le résultat d'un travail de recherche, d'une enquête, comme un résultat de processus, comme un résultat de contraintes académiques, sociales, etc. Et c'est quelque chose et les dynamiques qui vont avec, qui nous intéressent, et c'est sur ces questions que nous invitons un certain nombre de chercheurs et de professionnels à réfléchir avec nous. Alors c'est un vaste sujet, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, et quelqu'un qui a réfléchi bien avant nous et dans la lignée de qui nous nous inscrivons complètement, c'est évidemment Howard Baker, dont certains ouvrages sont devenus aujourd'hui des livres de référence considérés comme des livres majeurs pour nos disciplines en sciences sociales. Voilà, et d'une modestie absolument totale. J'en cite que deux, mais vous avez Sébastien qui va faire... Non, tu veux pas montrer les livres, un peu comme à la télé, les produits téléachat, tout ça. Donc, écrire les sciences sociales. Alors, ce qui peut être intéressant, peut-être éventuellement à remarquer, c'est qu'il a été traduit relativement tardivement en France. Donc, je pense que ça a fait un petit décalage, éventuellement. Mais enfin, aujourd'hui, c'est lu en français, en anglais... C'est largement connu. Et si ces ouvrages sont devenus aussi fameux, c'est probablement parce qu'ils s'appliquent à déconstruire un certain nombre de mythes posés un peu en principe indestructibles, tout en nous invitant à reconsidérer de façon un peu systématique et un peu dynamique nos objets de recherche, et tout en nous donnant des outils pour le faire. Et c'est un petit peu ça qu'on essaye, nous aussi modestement, de faire dans notre séminaire. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai comme l'impression que de toute façon, a priori, vous n'êtes pas là pour m'écouter, moi. Donc, de toute façon, en plus, résumer en 5 minutes votre carrière, ce serait juste impossible. Je vais peut-être juste vous inviter à consulter votre site web, qui est très joli. Excusez-moi. Qui est très joliment fait et qui recense tous les ouvrages, tous les articles, des morceaux choisis de jazz, d'actualité, enfin, n'hésitez pas à le consulter. Et j'en profite pour faire un tout petit peu de promo pour notre site aussi, qui est donc le carnet des ACT, sur lequel vous trouverez notamment les annonces des prochaines séances. Et j'en profite simplement pour vous préciser que la prochaine séance aura lieu le 19 novembre, dans 15 jours. Ce sera ici à l'EHESS de 15h à 17h en salle 4. Et nous recevrons à cette occasion la chercheuse Pascale Hague qui viendra nous parler de la santé mentale des doctorants. Alors on aurait peut-être dû réserver l'amphi aussi. Ce sera dans une plus petite salle, mais n'hésitez pas à vous joindre à nous, ce sera avec plaisir. Comment ? On a pris une salle capitonnée. Voilà, on a pris une salle capitonnée, nous fait préciser Sem. Et vous trouverez également sur notre carnet des infos pratiques, moins pratiques, utiles, une rubrique procrastination et les comptes rendus de séance. Voilà, et j'avais envie de terminer de façon peut-être un peu plus académique par une citation très très courte d'Alain Pessin qui a fait un ouvrage intitulé « Un sociologue en liberté », vous donc, et dédié à vos travaux, et qui dit que vous lire, hein, c'est extrêmement simple. C'est vrai, et je trouve que c'est un mot qui vous caractérise de façon assez positive. Et d'ailleurs, c'est en toute simplicité que vous avez accepté d'être là aujourd'hui et de jouer le jeu d'un dialogue. C'est-à-dire, on va effectivement avoir une petite introduction en anglais. Donc, on va essayer de faire en sorte de perdre personne et de traduire pour ceux qui en auront besoin. Mais ensuite, ce sera essentiellement une séance pensée comme un échange questions-réponses. Donc n'hésitez pas, c'est une occasion que vous avez. Alors des questions courtes, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Des remarques courtes aussi, s'il y en a. Et on fera en sorte voilà, que chacun puisse s'exprimer. Donc merci. Alors oui, et également donc, s'exprimer dans vos questions, dans vos remarques aussi distinctement que possible, puisque vous l'aurez remarqué, nous avons des interprètes en langue des signes avec nous aujourd'hui, que nous remercions d'ailleurs. Et je vous remercie, vous aussi, d'être là. Et bien sûr, tous nos remerciements les plus sincères vont surtout à vous d'être avec nous aujourd'hui.